kabwe le matin, ki manje mwen eme, ki mizik mwen kakoute, ou pasav, ou tro otipe, kome tan mwen kasere, mwen bakarete konte, et tan pi pou mwen osi, se mwen menm ki chwazi, et souvan mwen ka dormi, le ou menm ka vini, et le soleil ka pointe, zani lontan ou chapé, tout sa ou ka kite van mwen, c'est douleur et puis chagrin. Ou commandez moi, comprenez qui ça roule et moi attend. Pas même pas le dit voyage, faut nous serrer comme